EDF. Je suis pro et je suis ravi, car c'est EDF que j'ai choisi pour m'aider en cas de souci. En plus, j'ai 3 mois offerts. Merci. Professionnel, c'est l'anniversaire d'EDF. Et pour toute souscription au service assistance dépannage avant le 12 mai, 3 mois sont offerts. Appelez le 3022. EDF. Appel gratuit, service garanti par AXA Assistance, EDF mandataire d'intermédiaire d'assurance, EDF Assurance, courtier en assurance, société immatriculée au registre des intermédiaires Orias. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'accident nucléaire de Three Mile Island aux États-Unis. Les puissances nucléaires occidentales tiennent toutes le même discours. Nos installations sont sûres. Le Japon disait ça aussi. Et il a fini de le dire le 11 mars 2011, Fukushima est passé par là. 32 ans plus tôt, le 28 mars 1979, les États-Unis connaissent la même épreuve avec l'accident nucléaire le plus important de leur histoire. Résultat d'un enchaînement d'erreurs humaines qui donne un avant-goût du pire. Pas de victimes humaines, certes. Mais pendant 3 jours, l'Amérique retient son souffle dans une course contre la montre, pendant laquelle techniciens et ingénieurs naviguent à vue. Car si la chaleur avait été plus conséquente, si l'évacuation des plus fragiles n'avait pas été ordonnée, si le cœur du réacteur avait fusionné, il y aurait eu des morts. Peut-être, certainement même, toute une région sinistrée et un ennemi invisible, les radiations. Histoire et uchronie ne font pas bon ménage, c'est vrai, mais analyser la catastrophe nucléaire de Three Mile Island, c'est comprendre celles qui suivent. C'est aussi mesurer l'évolution de l'opinion face au miracle ou au mirage de l'atome, c'est selon. Notre invitée aujourd'hui, Corinne Lepage, avocate spécialiste de l'environnement, ex-ministre de l'environnement en 1995, députée européenne et autrice du livre intitulé « L'état nucléaire » publié chez Albin Michel en 2014. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA. Récit documentaire, Constance Villanova. Coordination, Christophe Barrère. Réalisation, Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Le samedi 22 mars 1979, l'atmosphère est printanière dans les rues de Washington. À l'ombre des buildings où se reflète la lumière blanche du dernier soleil d'hiver, les passants ont laissé au placard leur tenue de travail. C'est le week-end. Pour tous, sauf pour James Crosswall, 34 ans, qui sort alors d'un taxi, en costume. Il arrive tout droit de Chicago. Son travail, inspecteur régional de la Commission de réglementation nucléaire des États-Unis, organisation qui s'assure de la sûreté des matières radioactives civiles, un peu comme notre ASN, l'autorité de sûreté nucléaire. Aujourd'hui, Crosswall arrive pour un rendez-vous de la plus haute importance, l'un de ceux qui vous empêchent de dormir la nuit. Si Crosswall devait profiter de ses 2 jours de repos hebdomadaires, il s'est tout de même senti obligé de parcourir les 700 kilomètres qui séparent Chicago de Washington, et à ses frais. Depuis l'accident survenu dans la centrale nucléaire de Toledo, dans l'Ohio, 1 an auparavant, l'inspecteur tente d'alerter sa hiérarchie sur un sérieux risque qui pèse sur 9 centrales dans le pays. Mais ses avertissements auprès de ses chefs régionaux restent lettre morte. Aujourd'hui, c'est donc sa dernière chance. Il va lancer l'alerte auprès cette fois de ses supérieurs nationaux, le sommet de la hiérarchie. Arrivé dans une salle de réunion, Peter Bradford, commissaire de la NRC, nommé par le président des États-Unis lui-même, l'attend avec un collègue. Sur la grande table, le courrier que Crosswall leur a écrit. L'inspecteur de Chicago le leur répète alors, « Dans le pays, les opérateurs des centrales ne sont pas assez formés sur les pompes de refroidissement. » Bradford acquiesce et lui promet qu'il étudiera la situation. Retour à Chicago, tout ça pour ça. Six jours plus tard, à 4 heures du matin, au cœur de la centrale de Three Mile Island, en Pennsylvanie, les États-Unis connaîtront le plus grave accident nucléaire civil de leur histoire. En cause, la panne d'une pompe d'alimentation en eau, ce que craignait Crosswall, justement. Pour comprendre cet accident nucléaire et l'absence de vigilance des autorités, il faut revenir 20 ans en arrière. En 1957, Disney diffuse un dessin animé « Notre ami l'atome, une apologie du nucléaire à destination des enfants américains ». Here with my right hand, I give you the magic fire of the atom. It is yours. Here we are. Et nous voici, en train de brûler notre pétrole et nos charbons seulement pour produire de l'énergie. Mais désormais, nous avons une nouvelle source d'énergie, propre, silencieuse et abondante. Le charbon et le pétrole peuvent être conservés pour de meilleures productions. Nous pouvons les utiliser pour fabriquer du plastique, des textiles teints et des médicaments. Nous sommes en pleine guerre froide, 10 ans après les bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki qui ont fait 110 000 morts. Pour l'opinion américaine, nucléaire rime donc avec conflit militaire, brûlure atroce de population civile, monstruosité. Il faut donc réhabiliter l'atome, d'autant qu'il produit une énergie beaucoup moins coûteuse que le pétrole ou le charbon. Alors, publicité et films qui chantent les louanges de l'atome envahissent les téléviseurs de foyers américains. Indian Point et Jenna à New York, Browns Ferry dans l'Alabama. Dans les années 60, les centrales nucléaires poussent comme des champignons. En Nouvelle-Angleterre, par exemple, la centrale de Yonkey Row vient de sortir de terre à grands coups de publicité de la part de l'entreprise privée qui l'exploite. The date, Friday the 19th of August 1960. La date, vendredi 19 août 1960. L'heure, 19 minutes après 8 heures du matin. Les barres de contrôle du réacteur sont retirées et la production d'énergie par l'énergie atomique fait un pas de plus vers la réalité. Le réacteur diverge. Ce simple petit mouvement sur le panneau de contrôle permet un premier cycle complet dans la première phase de son fonctionnement. Et plus tard, le 10 novembre 1960, une annonce est faite de la plus haute importance. La toute nouvelle centrale nucléaire fonctionne et a un coût beaucoup plus bas que prévu. En 1973, le premier choc pétrolier met les États-Unis à genoux et confirme le miracle de l'atome. Le prix de l'or noir, principale source d'énergie du pays, atteint des sommets. L'industrie nucléaire doit donc grandir et la loi doit faciliter son implantation. Le 19 avril 1974, les premiers nuages de vapeur s'échappent des tours de refroidissement de Three Mile Island Unit 1, un réacteur à eau pressurisée exploité par la Metropolitan Edison Company. Cette entreprise privée n'a cessé de rassurer les populations environnantes. Tout est sécurisé, tout est sous contrôle. Les riverains ne risquent rien, si ce n'est de trouver un emploi. Le 8 février 1979, sa deuxième unité TMI Unit 2 est mise en service. À cette même période, un film du réalisateur James Bridge, porté à l'écran par Jane Fonda et Michael Douglas, fait trembler l'Amérique et rafle la mise au box-office. Dans le syndrome chinois, une journaliste tourne un documentaire dans une centrale nucléaire. Son équipe est témoin d'un accident au niveau du réacteur. Une tragédie qui risque de faire des milliers de victimes. The closer they get, the more threatening it becomes. The China syndrome. Today, only a handful of people know what it really means. And they're scared. Everybody keep your station! Everybody! Soon, you will know. The China Syndrome. Douze jours après la sortie du film en salle, la fiction devient réalité. 28 mars 1979, jour 1. 4 heures du matin. Une nuit noire s'est abattue sur la petite ville de Middletown, en Pennsylvanie, et ses maisons basses en briques rouges. Pas un mouvement, si ce n'est celui au loin de la vapeur d'eau qui s'échappe des quatre tours de la centrale Three Mile Island, située à 5 km de là. Elle trône sur l'une des îles au large de Susquehanna River, cours d'eau gigantesque qui irrigue tout l'est du pays. En 5 ans de cohabitation, les 9000 habitants de Middletown se sont habitués à apercevoir ce mastodonte de béton depuis leur porche. Dans la salle de contrôle de l'unité 2 de la centrale nucléaire, ou TMI-2, Edward, Frederick et Craig Faust sont chargés de surveiller le bon fonctionnement des réacteurs. Ils ont été formés par MEDED, la firme exploitante, et Backbock & Wilcox, la société qui a fourni le réacteur. ils ont décroché une licence de la Commission de la réglementation nucléaire. Autant dire que cette machine, ils la connaissent sur le bout des doigts. Les cafés s'enchaînent entre deux vérifications des panneaux qui les entourent, composés de plusieurs milliers de boutons. Tout va bien, une sorte de routine, et c'est là qu'une première alarme interrompt la conversation amicale. Une deuxième, puis une troisième alarme retentissent. En quelques minutes, une centaine de signaux sonores se déclenchent, et avec eux, des centaines de lumières se mettent à scintiller. Le panneau de contrôle ressemble à un sapin de Noël. Comment digérer l'information, comprendre d'où vient l'accident, en tirer une conclusion dans ce barnum technologique? L'incident qui a déclenché les alarmes n'est pourtant pas si rare. La panne d'une pompe à eau a entraîné un problème au niveau du générateur de vapeur, donc du refroidissement. Premier automatisme de sûreté, la turbine du réacteur s'arrête. Face à l'augmentation de la pression du circuit primaire, Craig Faust ouvre une vanne pour éviter une surpression qui serait dangereuse. Mais la fermeture automatique de cette pièce mécanique ne se déclenche pas, et ça, aucun signal ne l'indique. Une fuite du liquide de refroidissement provoque alors une nouvelle surchauffe. Il faut 8 minutes à Faust, l'opérateur de contrôle, pour s'en rendre compte. Incapables de déterminer le niveau du liquide de refroidissement ni d'identifier le problème, les techniciens ont en fait enchaîné une série d'actions qui ont empiré la situation. Et voilà ouvertes les portes du risque, que dis-je, du cauchemar. Autrement dit, une fusion du cœur du réacteur, dont une des conséquences porte un nom bien connu, le syndrome chinois. Il se produit lorsqu'un réacteur cesse d'être correctement refroidi et provoque l'émission de nombreux gaz radioactifs après avoir franchi l'enceinte de confinement. Pour expliquer l'accident, on tente la pédagogie au JT de France 2. Dans une telle centrale, il y a deux parties. D'abord, le réacteur lui-même, une gigantesque machine à fabriquer de l'eau chaude. C'est cette eau chaude qui fait tourner une turbine et un alternateur qui produit l'électricité. Au cœur du réacteur, de l'uranium. Les réactions nucléaires y dégagent une formidable chaleur qu'il faut évacuer tout de suite. C'est le rôle d'un premier circuit d'eau. Au passage dans le cœur, cette eau devient donc très chaude mais aussi très radioactive. Elle ne sortira pas de l'enceinte bétonnée hermétiquement close. Elle transmet sa chaleur à un deuxième circuit d'eau, non radioactive celle-là. C'est cette eau qui va sortir du cœur pour faire tourner la turbine et produire l'électricité. Que s'est-il passé mercredi? Un simple filtre du deuxième circuit d'eau s'est bouché. L'eau a pourtant continué à arriver comme si de rien n'était. La pression a augmenté au point de faire exploser une pompe. Tout s'arrête alors. Retour dans la salle de contrôle de l'unité 2 de la centrale Three Mile Island. Il est 6 heures du matin. Les causes de l'accident ne sont toujours pas connues. D'autres agents d'exploitation, dont 3 ingénieurs, arrivent en salle de commande. Les autres employés de la centrale commencent leur journée. Une nouvelle alarme se déclenche, et pas des moindres. Celle qui indique un taux de radioactivité élevé dans l'enceinte du confinement du réacteur. Il y a sûrement une brèche. La situation devient sérieuse. Peu avant 7h, Gary Miller, le chef de la centrale, arrive dans la salle de contrôle bondée. Il décrète l'état d'urgence sur le site. C'est la première fois de l'histoire des États-Unis. Un poste de commandement est établi dans l'autre unité, TMI-1. Des radiations se sont peut-être échappées dans l'atmosphère. Les techniciens naviguent à vue et tentent en vain de refroidir le cœur. À 7h24, le gouverneur de Pennsylvanie, Dick Thornburgh, est prévenu. Aux alentours de la centrale, des équipes mesurent la radioactivité ambiante, compteur GGR en main. I am standing up at the water's edge in my dream. I cannot make a single sound as you scream. Touch. on again and again. Just let the red rain splash you. Let the rain fall on your skin. I'll come to you, defenses down. With the trust of a child. Down all over me, I'm begging you, red rain coming down, red rain coming down, red rain coming down, red rain coming down over me in the red, red sea. Over me. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Le soleil s'est levé dans les rues de Harrisburg, en Pennsylvanie, à 30 minutes en voiture au nord de la centrale. Mike Pintek, directeur de l'information pour la radio locale de la ville, vient d'être informé par le journaliste de la station à l'infotrafic que des voitures de police et des camions de pompiers roulent vers Three Mile Island, dont les cheminées ne fument plus. Étrange. Le journaliste en est certain. Quelque chose ne va pas du côté de la centrale. Il appelle directement l'accueil de TMI. Par erreur, le service relations presse de la centrale le met en contact avec la salle de contrôle de l'unité 2. Dans le combiné, Pintek entend d'abord l'agitation, les alarmes, les éclats de voix. Un employé lui lance alors « Je ne peux pas parler, nous avons un problème ». Il ne le sait pas encore, mais le journaliste de la radio locale, un jeune journaliste de 27 ans, vient de décrocher une information historique qui inquiétera d'ici quelques heures la planète entière. Alors il poursuit son enquête. À 8h25, il est le tout premier à délivrer cette information aux auditeurs de la radio WKBO. This is Mike Pintek in the KBO newsroom. Les représentants de MedEd ont dû éteindre l'unité 2 de la centrale nucléaire de Three Mile Island ce matin après qu'un incident se soit produit au niveau du système de la turbine de la centrale. Les officiels disent qu'il n'y a pas de danger et que la situation est sous contrôle. La situation est sous contrôle. Tous les opérateurs nucléaires débordés par la situation ou pas répondent cela par réflexe. Ça veut dire qu'ils disent vrai ou pas. Donc, d'un point de vue de l'information, ce genre de déclaration ne vaut rien. Et à son tour, l'entreprise MedEd l'affirme auprès du maire de Middletown, il n'y a pas de fuite radioactive. C'est la première contradiction d'une longue lignée de la part de la firme qui exploite la centrale. La preuve, elle téléphonera au maire quelques heures plus tard pour lui avouer qu'il y a bien eu des rejets radioactifs dans l'air. À 11h, toujours le 28 mars 1979, les employés non essentiels à la gestion de la crise doivent évacuer l'île. Le personnel restant se munit de masques avec filtre. William Scranton, le bras droit du gouverneur, donne sa première conférence de presse. Il se veut rassurant, lui aussi, tout est sous contrôle, bien sûr. Il n'y a aucun danger pour le public. Évidemment, tous les équipements de sûreté ont fonctionné. Comment voulez-vous qu'il en soit autrement? Les journalistes commencent à se presser sur l'île. La Associated Press, agence américaine équivalente de notre AFP, envoie sa première dépêche sur l'incident à 9h26. Le top départ pour les reporters du monde entier est lancé. Face aux caméras, le vice-président de MedEd, Jack Herbine, s'exprime pour la première fois au portail de la centrale. Ses allures de genre idéal à Don Draper, le héros de la série Mad Men, n'en font pas pour autant un bon communicant. Loin de là. L'ingénieur n'a aucune formation en relations publiques. Alors il s'énerve, il se contredit, il nie la dangerosité de l'accident, prétend même qu'il est terminé. Pour lui, le meilleur moment d'une rencontre avec les journalistes, c'est quand ils s'en vont. Pourtant, dans la salle de contrôle, ingénieurs et techniciens le savent. Sans eau, le réacteur va fondre. Plus tard, c'est Scranton, le bras droit du gouverneur de Pennsylvanie, qui prend la parole. Et le ton est bien différent de sa première conférence du matin, où il ne poursuivait qu'un seul but, dormait tranquille, brave Jean. La situation est plus complexe que nous l'avait d'abord laissé croire l'exploitant. Nous avons fait des mesures. Pour l'instant, nous pensons qu'il n'y a toujours pas de danger pour le public. La Metropolitan Edison vous a donné et nous a donné des informations contradictoires. Nous venons de tenir une réunion avec les responsables de la compagnie et espérons pouvoir répondre à la plupart de vos questions. Il y a eu un relâchement de radioactivité à l'extérieur de la centrale. La compagnie nous a informé que la vapeur contenant une quantité détectable de radioactivité a été relâchée dans l'air entre 11h et 13h30. Les employés de TMI sont passés sous les compteurs GGR avant de monter dans leur voiture pour rentrer chez eux. La petite ville de Goldsboro, à 2,5 km de la centrale, le maire fait du porte-à-porte pour informer les habitants qui commencent à s'affoler au bruit des sirènes. À 19h, des millions d'Américains interrompent leur dîner et se précipitent devant leur écran de télé. L'incident de Three Mile Island est sur toutes les chaînes. C'était la première étape d'un cauchemar nucléaire, c'est ce que nous savons à cette heure-ci. Les officiels du gouvernement ont signalé qu'une panne dans une centrale nucléaire de Pennsylvanie est probablement le pire accident de réacteur nucléaire de l'histoire. Il n'y a pas eu de contamination des employés, mais des spécialistes attestent que les radiations dans la centrale sont 8 fois supérieures à la limite, si fortes que malgré un mur de béton d'1,5 m, elles peuvent être mesurées à 1 mile de là. Moins de 24 heures après l'événement, terme employé pour ne pas dire accident, et encore moins catastrophe. Le 29 mars 1979, en début d'après-midi, un hélicoptère survole la centrale et mesure une élévation de la radioactivité ambiante. En prélevant des échantillons d'eau, les ingénieurs envoyés par la NRC, la Commission de réglementation nucléaire des États-Unis, se rendre compte que le cœur a été beaucoup plus sérieusement endommagé qu'on l'avait pensé jusque-là. Sans prévenir les collectivités ou la presse, le comité d'urgence, créé à TMI, décide de rejeter de l'eau faiblement radioactive qui provient des réservoirs pleins. En fin d'après-midi, 180 000 litres d'eau ont été déversés. Le président de la NRC est mis au courant et exige leur arrêt. Dans un communiqué de presse, il est annoncé que les rejets vont continuer. Alors, la nécessité d'une évacuation de dizaines de milliers de personnes se dessine peu à peu. Je conseille à ceux qui sont particulièrement sensibles aux radiations, que sont les femmes enceintes et les enfants en bas âge non scolarisés, de quitter la zone dans un rayon de 5 miles autour de la centrale Three Mile Island. Cette déclaration du gouverneur Thornburg, lui-même, alors qu'il déléguait la communication à son bras droit depuis le début de l'incident, sème la panique dans l'État de Pennsylvanie. Nous sommes le 31 mars 1979 et la NCR vient de lui confier la possibilité d'une fusion au cœur du réacteur. Avec la nucléaire, la menace est invisible, inodore et les discours se contredisent. Les voisins de la centrale ne savent pas ce qu'ils doivent fuir, mais ils se mettent en route. Les maires des villes qui encerclent TMI ont peur de créer le chaos. 500 000 de personnes vivent dans le rayon autour de la centrale tout de même. Les gamins de l'époque s'en souviennent aujourd'hui encore. À Middletown, ou Le Moine, les villes alentours, les instits interrompent leurs cours et demandent à leurs élèves de rentrer chez eux. Quand ce ne sont pas les parents qui viennent eux-mêmes chercher leurs enfants en classe. On charge les voitures, on fait les valises dans l'urgence, on prend ce qu'il y a de plus précieux, une photo, un bijou, un doudou. On fuit sans vraiment savoir si on va revenir et on s'engage dans des embouteillages monstres. Les résidents, dans un rayon de 10 000 autour de la centrale, doivent se confiner. Dans les rues, des camions surmontés de haut-parleurs les appellent à rester chez eux. Middletown, à 5 km du réacteur, prend des airs de ville fantôme. Plus de voitures dans les rues, des sons s'échappent de certaines maisonnettes dans lesquelles les habitants ont oublié d'éteindre leur télé dans la panique de l'exode. Seuls s'y rejoignent journalistes et experts de l'atome. 200 000 personnes ont fui la région dans les 48 heures qui ont suivi l'accident. La ville de Goldsboro a perdu 90% de sa population. Dans des villes de l'État, loin de la centrale, des centres pour les jeunes enfants et femmes enceintes sont ouverts et prennent des aires de dortoirs et garderies post-apocalyptiques. Pour Antenne 2, Jacques Segui se rend dans l'un d'entre eux et rencontre l'une de ces réfugiés du nucléaire. Les 150 enfants et femmes enceintes réfugiés dans un gymnase ne veulent pas retourner dans leur maison. Est-ce que la peur est surmontée ? Pas tout à fait, parce qu'ils nous disent que c'est meilleur maintenant et les gens commencent à le prendre un peu mieux maintenant. Quand vous leur dites que ça va mieux, est-ce qu'ils vous croient ? Oui, mais pas tout à fait, parce qu'ils savent qu'il y a toujours un danger. D'autant que la situation au sein de l'unité 2 ne s'améliore pas. Un ingénieur de la NRC s'inquiète au sujet d'une bulle d'hydrogène de 17 mètres de cube et demi qui bouche le sommet de l'un des réacteurs. Le risque, une explosion, par mois. Mais pour rassurer la population, on annonce que le lendemain, 1er avril, le président Jimmy Carter viendra sur place avec son épouse. Le 1er avril au matin, cet ancien officier de marine sur les sous-marins atomiques et son épouse Rosalynn Carter posent les pieds sur le tarmac de l'aéroport d'Harrisburg. Pourtant, le problème de la bulle d'hydrogène persiste et elle pourrait exploser alors que le président est à l'intérieur. Un coup de com' comme ça, ça n'a pas de prix, sauf le prix d'une vie, de surcroît celle du premier des citoyens américains, d'où l'inquiétude et le stress. Sous les flashs, le président traverse la salle de contrôle et passe 2 heures dans la centrale. Les journalistes s'agglutinent autour de lui. Pour apaiser la population, rien de plus simple. On fait appel à une logique simpliste mais efficace. Si ce n'était pas sécurisé, vous pensez bien que l'homme le plus puissant du monde n'y aurait jamais mis les pieds. Ma priorité principale, depuis que je suis arrivé cet après-midi, est d'en apprendre le plus que je peux en tant que président sur le problème survenu à TMI et pour assurer aux habitants de cette région que tout ce qu'il est possible de faire est en train d'être réalisé ou sera réalisé pour résoudre le problème. Alors que la visite présidentielle touche à sa fin, sur le site, après calcul et vérification, la pression retombe enfin. Et le temps n'est plus compté. L'hydrogène peut être libéré graduellement et les ingénieurs pourront fermer progressivement le réacteur. Autrement dit, l'accident est terminé. Mais la population reste sous le choc après ces 3 jours d'angoisse. Sur l'île, le nettoyage peut commencer. Un robot travaille à refroidir le cœur où tout humain périrait en 30 secondes. Aux États-Unis, l'accident de Three Mile Island, le fait d'avoir évité le pire, agite conscience et consolide le mouvement anti-nucléaire. En septembre 79, à New York, dans l'iconique salle du Madison Square Garden, des groupes de rock se produisent en concert. Un spectacle inédit baptisé No Nukes, qui donnera lieu à un album par les musiciens unis pour une énergie plus sûre. Dans les rues, les mobilisations ne cessent de grossir. Le 12 juin 1982 à New York, 550 000 militants venus de tout le pays se réunissent pacifiquement pour un immense rallye. C'est le plus gros rassemblement antinucléaire du pays, plus important que ceux contre la guerre du Vietnam. Avec l'incident de Three Mile Island, le nucléaire a quitté la sphère scientifique pour s'installer au cœur du débat public. L'opinion s'interroge, remet en cause le modèle énergétique des États-Unis, alors que le président ultra-conservateur Ronald Reagan, meilleur ami de l'atome, vient d'être élu. Précision importante, l'accident de Three Mile Island n'a fait aucune victime humaine, contrairement à ce qui se passera plus tard le 26 avril 1986, le jour où la catastrophe de Tchernobyl arrachera des milliers de vies en Europe de l'Est. Et c'est là qu'aux États-Unis on comprend qu'on a frôlé le pire 7 ans plus tôt. En 1988, un expert du gouvernement révèle que 45% du noyau du réacteur, soit 62 tonnes, avait fondu et que 20 tonnes de ces matériaux en fusion s'étaient déplacées dans la partie basse du réacteur. L'incident de Three Mile Island était bien pire qu'on ne le pensait. Et du reste, à chaque tragédie, la plaie de Taimi se rouvre. Le 11 mars 2011, après un enchaînement de catastrophes naturelles, un accident nucléaire fait trembler la planète. C'est à Fukushima, au Japon, et ce n'est pas la même histoire que Tchernobyl. Non, parce qu'au Japon, on emploie des techniques bien plus proches des nôtres que celles de Tchernobyl avec ses réacteurs RMBK modérés au graphite. Mais là encore, à Fukushima, le refroidissement des réacteurs a été interrompu. La journaliste Fabienne Sintès s'est rendue en Pennsylvanie, près de la centrale, au lendemain de la catastrophe. Elle s'est entretenue avec la chargée de communication de la centrale de Pennsylvanie après 1979 sur le thème de la sûreté nucléaire. Tout sur l'énergie nucléaire a changé. L'agence de régulation est devenue plus stricte. Il y a infiniment plus de sécurité en termes de patrouille, par exemple. On s'est assuré que seul le personnel autorisé était dans certains endroits. Même l'entraînement, on s'est assuré qu'il n'y avait aucun moyen pour un opérateur de la salle de contrôle de passer un test sans qu'il connaisse exactement toutes les informations. Et tout ça a été encore amélioré après le 11 septembre. On a construit des barrières en béton dans les centrales pour empêcher un camion de s'y jeter. Malgré l'amélioration de la sécurité, la centrale nucléaire de Three Mile Island a fermé le 30 septembre 2019, mettant à la porte ses 675 employés. Après étude du dossier, des universitaires ont nié une hausse potentielle de maladies liées à la radioactivité dans la région. La tragédie n'a pas fait de mort, rappelons-le, mais elle préfigurait le pire, le scénario catastrophe. Dans le monde, les centaines de centrales en activité ont revu la formation de leurs ingénieurs. Mais cela n'a empêché ni Tchernobyl, ni Fukushima, autrement dit. C'est une prophétie qui s'est échappée des cheminées de Three Mile Island en cette journée du 28 mars 1979. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Three Mile Island, ou TMI, ou TMI, comme on veut, nous en parlons avec notre invitée, Corinne Lepage. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je vous en prie, vous êtes avocate spécialiste en droit de l'environnement, vous avez été ministre de l'environnement dans les gouvernements d'Alain Juppé et députée européenne de 2009 à 2014. Vous présidez aujourd'hui le parti Cap Écologie et vous avez écrit ce livre en 2014 intitulé « L'état nucléaire ». Comment a été reçu l'accident de TMI en France, je crois que vous pouvez nous raconter, parce que il me semble que vous veniez d'arriver depuis un an dans un cabinet d'avocats spécialisé dans le droit de l'environnement. Alors, nous avions effectivement, j'avais rejoint au 1er janvier 1978 Christian Huglot, et nous avions créé le cabinet Huglot-Lepage, donc au 1er janvier 1978. Mes premiers dossiers, en fait, ont été sur le nucléaire, puisque j'ai attaqué le décret de création de la centrale nucléaire de Flamanville, qui date du 24 décembre, ça s'oublie pas, 1977. Donc j'ai été tout à fait plongée dans ce bain. Donc évidemment très attentive à ce qui s'est passé très peu d'années plus tard, hein. Évidemment, puisque nous sommes en 1979. Alors, il faut bien se rendre compte qu'il y avait déjà eu des accidents nucléaires, sauf qu'on ne le savait pas. Mmh. Bien sûr. On ne savait pas. Il y avait eu Mayak en Russie, enfin l'URSS. Il y avait eu Windscale en Angleterre. Il y avait eu Saint-Laurent-des-Eaux 1 en 1969 en France. Mmh. Même moi qui étais plongée dans ce bain, je l'ignorais totalement. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, on travaillait sur cette fiction incroyable, dite du rapport Rasmussen, qui prévoyait un accident de centrale nucléaire toutes les 22 000 ans. Donc, inutile de vous dire que cette affaire de TMI est arrivée comme un coup de tonnerre dans un ciel atomique parfaitement serein. C'est-à-dire que c'est vraiment TMI qui a fait entrer le nucléaire dans le débat public, et pas seulement aux États-Unis, oui. Vous diriez ça ? Oui, oui, parce que jusque-là, les accidents, ils étaient passés sous le radar. Mais oui. C'est-à-dire que le lobby nucléaire avait été suffisamment puissant pour qu'on n'en parle pas. Et puis, je dirais qu'à l'époque, le nucléaire, c'est pas tout à fait terminé. D'ailleurs, il était très lié au militaire, et donc le secret s'appliquait magnifiquement bien. Sauf que les États-Unis, ce qui s'est passé aux États-Unis, il y a eu deux particularités. D'abord, c'est les États-Unis, donc c'est quand même un pays dans lequel la presse a un rôle extrêmement important. Et puis deuxièmement, à un moment donné du temps, on n'a plus pu cacher les choses parce que il y avait vraiment un risque pour les populations et on ne pouvait pas les laisser exposer si effectivement la centrale explosait. Parce qu'on n'est pas passé très loin de ça quand même. Mais oui, alors puisque vous disiez, vous évoquez l'opacité du mécano nucléaire, en France aussi, Saint-Laurent-des-Eaux, on n'en a pas fait de publicité, l'accident au Blayais. Ah non, pas du tout. Alors l'accident au Blayais, on a... Ni en 1969, ni plus grave encore, en 1969. Oui. Oui. Alors justement, nous sommes en démocratie, évidemment. Est-ce que de ce point de vue-là, on peut dire que le nucléaire est un déni de démocratie ? Ce qui serait l'un des problèmes complet. Du... D'accord. Je dirais complet. Pourquoi ? Parce que c'est probablement un des choix technologiques les plus importants, technologiques et industriels, et financiers, les plus importants que la France ait fait depuis 1945. Nous avons fait le choix d'un très gros programme électronucléaire, le plus gros du monde par tête d'habitant ou par kilomètre carré de territoire, ce qui nous a quand même coûté extrêmement cher parce que c'est le contribuable français qui a payé les centrales nucléaires au départ, exposer la population réellement à un risque, et tout ça n'a jamais fait l'objet au départ du moindre débat démocratique, même pas au sein du Parlement. Il faut savoir qu'il n'y a pas de loi sur le nucléaire avant 1971, qui est la date de la première loi sur la gestion des déchets radioactifs. Mmh. Mais jusque-là, vous n'avez... 1991, pardon. Pas 1971, 1991. Jusque-là, vous n'avez aucune loi. Et vous avez... Tout le système nucléaire repose sur un décret. Or, comme chacun sait, un décret de 1963, chacun sait qu'un décret, c'est le pouvoir exécutif qui le prend sans aucun débat au Parlement. Mmh. Donc, on a fait ce choix qui est le choix le plus important que nous ayons fait, sans aucun débat parlementaire et encore moins sans aucun débat démocratique. Et les CLI, les comités locaux d'information à désignation des riverains des centrales, avec des réunions régulières, je crois, ça apporte une réponse, un élément de réponse à cette opacité, quand même. C'est un début, de transparence, parce qu'au fil du temps, il a bien quand même fallu évoluer un peu, et puis il y a des règles qui s'imposent au niveau communautaire, il y a la convention d'Aarhus, il y a la convention... il y a une autre convention dont le nom m'échappe à la seconde, qui oblige en termes communautaires à avoir de la transparence. Puis nous avons maintenant dans la Constitution le principe de participation. Donc même le nucléaire est obligé de suivre un certain nombre de règles. Sauf que très souvent, ces CLI sont présidées par des personnes qui sont très favorables au nucléaire. Elles ont très peu de moyens. Et en matière nucléaire, voyez-vous, ce qui est très important, c'est la contre-expertise. Et oui. Or, les CLI n'ont pas nécessairement les moyens d'engager des contre-expertises. Mais l'IRSN peut le faire, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Oui, mais l'IRSN est l'outil, si je puis dire, de l'outil technique de l'autorité de sûreté nucléaire, oui. Et c'est encore l'État. Mmh. Tout ça, c'est encore l'État, même si on est maintenant dans un système qui est quand même très hybride, que nos concitoyens ne connaissent probablement pas très bien, qui fait que toute la responsabilité du nucléaire a été dégagée du gouvernement sur l'autorité de sûreté nucléaire, et bien entendu sur l'exploitant, sur EDF, qui est le premier responsable de la sûreté. Mais celui qui prend les décisions d'autoriser, de ne pas autoriser, de prolonger, etc., c'est l'autorité c'est de sûreté SN. Nucléaire. Absolument. C'est la SN. Ce n'est plus le ministre. Et le ministre, ou le premier ministre, ou même le président de la République, n'ont même plus la possibilité, pour des choix politiques, de dire « on va fermer telle centrale nucléaire ». Aujourd'hui, on ferme une centrale nucléaire parce que EDF le demande, ou parce que l'autorité de sûreté nucléaire considère qu'une centrale est trop dangereuse pour continuer à fonctionner. Il n'y a pas d'autre possibilité prévue. Alors, on va faire l'état des lieux avec le plus de distance possible et essayer de résumer la situation. Le nucléaire aujourd'hui en France, on peut penser qu'il y a autant de bonnes raisons de le conserver que de s'en débarrasser. S'en débarrasser, alors à cause de sa dangerosité potentielle, dixit Tchernobyl et surtout Fukushima, l'épineuse question des déchets nucléaires et aussi le manque de transparence. Mais conserver le nucléaire a aussi du sens en fonction d'une nouvelle donne, la lutte contre le réchauffement climatique. Il se trouve que le nucléaire est une énergie non carbonée et que si on passe un jour au tout électrique dans les transports, ce qui semble être la direction, bah pour l'instant, sauf si je me trompe, le nucléaire est la seule énergie capable de répondre à ces besoins-là. J'en arrive à ma question, comment se débrouille-t-on avec ces contradictions autour du nucléaire ? Bon, d'abord, premièrement, on n'est pas tout seul au monde. Je veux dire que ce sujet, il se pose à tous nos partenaires. Et quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui en Europe occidentale, je ne parle pas de l'Europe orientale, hein, mais en Europe occidentale, que ce soit l'Allemagne, que ce soit l'Italie, que ce soit la Suisse, que ce soit la Belgique, tous ces pays ont décidé de sortir du nucléaire. Mmh. Et ils ont la même équation que nous. Hein, bon. Le choix, il n'est pas écrit d'avance. Oui, mais ils sont moins investis dans le nucléaire que la France. Hein. J'entends bien, mais enfin, l'Allemagne en avait quand même 35%, et elle va tomber à zéro. Bon. C'est la peur. Partir maintenant du nucléaire, je pense qu'il n'y a aucune personne sensée, et en tout cas, je ne le ferai personnellement pas, pour dire on ferme nos centrales nucléaires demain matin. C'est certainement pas le sujet. Le seul sujet, c'est de savoir si on continue dans cette filière. Autrement dit, est-ce qu'on installe de nouveaux réacteurs ? C'est pour moi le seul vrai sujet. Sur les réacteurs qui existent, ensuite, c'est une question de sûreté d'une part, de rapport coût-bénéfice d'autre part. Mmh. Autrement dit, il y a des investissements énormes à faire. Qu'EDF financièrement n'arrive pas à faire, et je ne sais vraiment pas comment on va pouvoir faire, puisque vous savez que l'autorité de sûreté nucléaire vient de prendre une décision de prolongation sur le principe jusqu'à 50 ans de nos centrales nucléaires, mais avec des travaux à la clé colossaux de la part d'une entreprise qui a déjà un passif de plus de 40 milliards d'euros et qui ne sait pas comment elle va financer ces travaux que la Cour des comptes envisage à une hauteur de 100 milliards quand même. Hein. Mmh. Bon. Donc comment on va financer ça ? Donc le vrai sujet, c'est un rapport coût-avantage. Autrement dit, telle centrale, elle est pas trop vieille, elle est en bon état, il y a une cuve qui va bien, il n'y a pas de problème d'enceinte de confinement ni rien du tout. On fait les travaux qu'il faut et elle peut continuer encore 10 ans, 15 ans, 20 ans. Telle autre centrale qui elle est en très mauvais état, qui pose vraiment des problèmes sur laquelle, parce qu'elle est très vieille, je pense à, par exemple à Bugey qui est un CP0, c'est-à-dire le premier état de nos centrales en termes technologiques, même année que Fessenheim quasiment. Bon, c'est des très vieilles centrales, ou Tricastin qui posent toutes sortes de problèmes. Bon, ben celle-là, est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer ? On n'a pas une politique générale. C'est du cas par cas. D'accord. Mais le vrai sujet, c'est est-ce qu'on en fait d'autres ? Et là, on tombe sur une question que vous n'avez pas abordée, mais qui pour moi est absolument primordiale aujourd'hui, c'est le problème du coût. C'est-à-dire que le renouvelable a tellement baissé dans sa production, Hein. Le photovoltaïque a baissé de 75% et l'Agence internationale de l'énergie pense que ça va rebaisser encore de 75%, c'est-à-dire qu'on arrive à des coûts extrêmement bas de production du kilowattheure, alors que le coût de production du nucléaire ne cesse de grimper. On va arriver à un rapport de 1 à 3, peut-être même 1 à 4, je n'en sais rien. Donc la question c'est, est-ce qu'on peut se faire le luxe de choisir une filière aussi coûteuse? C'est ça. Donc, en fait, non, il y a donc un critère à ajouter à ce que j'avais mis en avant, si on veut abandonner le nucléaire, c'est effectivement le modèle économique. Donc, ça fait quatre raisons de revoir tout ça. On en parle dans trois minutes, Corinne Lepage. Ne quittez pas, surtout. On écoute Goat Girls. Goat Girls, Anxiety Fields. I don't wanna be on those pills. Heard they make you numb. Find another way to get my fill. Taken my warmth away. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Please don't leave me alone, staring out the window. I know I should get out the house, make myself useful. Find it hard. Corinne Lepage, dans la première partie de l'interview, nous nous sommes dit beaucoup de choses, mais en toile de fond, il y avait l'avenir, il y avait le cap, si je puis dire, d'une diversification de notre panier énergétique. Alors pour l'instant, on a du nucléaire, du fossile et du renouvelable, et vous me disiez le renouvelable, les coûts baissent. Donc si les coûts du renouvelable baissent et qu'on veut aller vers le renouvelable pour la protection de l'environnement, on se dit, tout est réglé. Sauf que c'est pas aussi simple que ça. Est-ce que les renouvelables vont à terme et à court terme pouvoir répondre aux besoins électriques, de la voiture électrique, du bus électrique, de tout ce qui est électrique? Écoutez, vous avez plusieurs scénarios, dont les scénarios de l'ADEME, qui est quand même un organisme sérieux, à 100% renouvelable en 2050. Donc oui, c'est jouable. Deuxièmement, vous avez les engagements de l'Union européenne. Les engagements de l'Union européenne sont quand même extrêmement forts en ce qui concerne la part des énergies renouvelables. Et certains pays ont déjà dépassé la barre des 50% d'ENR. Nous, nous sommes autour de 20%. Nous sommes l'avant-dernier élève de la classe européenne en termes de respect de nos objectifs. Là maintenant, j'ai l'impression qu'on va s'y mettre grâce à l'Europe qui oblige, qui nous oblige tout simplement à le faire. Donc voilà, et puis j'ajouterai à cela que c'est un secteur de développement économique absolument formidable. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire, c'est la croissance verte, c'est pas une vue de l'esprit, ça existe, c'est un bassin d'innovation en plus, si j'ai bien compris, le renouvelable. Absolument. Bon. Absolument. Alors, malheureusement, nous avons loupé, nous, en France, beaucoup de coches, parce que, précisément, le poids du nucléaire faisait que tout le développement du renouvelable a été très bridé, je veux dire les choses comme elles sont. Bon, aujourd'hui, la part du nucléaire baisse, non pas parce qu'on a fermé deux réacteurs à Fessenheim, mais surtout parce que nous avons énormément de réacteurs à l'arrêt, pour des raisons diverses, ce qui fait que la part du nucléaire dans le bouquet énergétique était à 75%, est aujourd'hui de l'ordre de 66 ou 67%. Voilà, donc ça a quand même déjà beaucoup baissé, sans que nos concitoyens soient particulièrement lésés et sans que le développement de la voiture électrique soit entravé. Corinne Lepage, reste un point très important qui est celui des déchets. Et si on peut reprocher au nucléaire d'avoir mis la charrue avant les bœufs de façon un peu dramatique, c'est peut-être les déchets. On s'est lancé dans une industrie qui génère des déchets sans avoir planifié tout cela. Et puis, pour les déchets qui nous font peur, ceux à une très longue durée de vie, on a choisi l'enfouissement en couche géologique profonde sur le site de Bure, à 500 mètres sous le sol. Et puis en attendant, on les met où les déchets? Dans des piscines? Là, c'est un vrai problème. Ah oui, non, mais on a un problème majeur de stockage de nos déchets. On ne sait plus quoi en faire. Ça, c'est la vérité. On ne sait plus quoi en faire. Vous avez vu que Cigéo a fait l'objet d'une critique extrêmement sévère de l'autorité environnementale il y a quelques semaines. Donc le projet n'est pas du tout, à mon avis, n'est pas du tout définitif. Et puis il y a un problème de financement. 2035, il y a un problème de financement. On est entre 25 et 35 milliards d'euros pour le projet de Bure. Bon. Alors ceci dit, si on ne fait pas Bure, on fait quoi? Eh oui, on les met où? Ben voilà, donc j'avais parlé tout à l'heure de la loi de 91 qui prévoyait trois solutions. L'enfouissement en couche profonde, c'est Bure. Ouais. Le stockage dit en subsurface, oui, avec un contrôle constant, et un système de surgénération, c'était l'utilisation de Creys-Malville. Bon, on oublie Creys-Malville qui est fermé, heureusement. Et il restait donc deux solutions, sauf que notre opérateur, en fait, a mis toutes ses billes, si je puis dire, sur une seule solution, qui est l'enfouissement en couche profonde, pour des raisons qui sont à la fois de responsabilité et de comptabilité. Du coup, il devait y avoir trois sites possibles dans la loi de 91. Un site granitique, un site argileux, enfin trois possibilités. Et en réalité, au bout du compte, on se retrouve aujourd'hui à un choix qui est Bure, Bure ou Bure. Il n'y a pas de choix. Et c'est que l'argile. Et il n'y a que l'argile et il n'y a pas de choix. Autre, puisque on n'a pas du tout travaillé sur le stockage en subsurface, ben c'est peut-être quand même une solution qu'il va falloir finir par envisager, parce que les piscines de la Hague, elles débordent. Oui. En plus, nous avons des problèmes de risque avec nos piscines qui est absolument colossal, qui n'est pas du tout pris en compte, parce que c'est quoi, au le départ, risque on n'a pas pensé qu'il y avait un risque particulier avec les piscines. Quel est le risque? Risque terroriste, hein. Ah, ben, bien sûr. D'accord. Corinne Lepage, on arrive à la fin de l'interview. Une dernière question, quelque chose dont on parle assez peu, c'est la question des faibles doses. Alors je sais que l'IRSN, oui, l'Institut de Recherche sur la Sûreté Nucléaire, s'en occupe tous les jours avec d'incessantes mesures sur la flore, les eaux. Est-ce que ces faibles doses constituent un problème? Oui. Mais on le sait depuis longtemps, hein. Il y a 40 ans, on le savait déjà. On le savait déjà parce que, en réalité, on découvre les problèmes au fur et à mesure qu'ils viennent, et on se rend compte que le principe « la dose fait le poison » ne marche pas pour toutes les formes de pollution. Ça marche pas, par exemple, pour les perturbateurs endocriniens. La dose fait pas le poison. Et ça ne marche pas pour la radioactivité. Donc le problème des faibles doses est un vrai problème sanitaire. Bien, merci infiniment Corinne Lepage pour tous vos merci éclairages. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui à Three Mile Island, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Tiffany Battistel. Et puisque nous sommes vendredi, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Constance Villanova, Romain Weber, Adrien Cara. Attaché de production, Stéphanie Valois. Programmation musicale, Muriel Pérez. Coordination, Christophe Barrère. Réalisation, Marion Lelay, Coyen Guyenne et Benjamin Riquet.